Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Bah ouais. Maintenant tout le monde, bien va-t-il la rigou. Ça t'en bat, t'en bat de pou direct au dodo. Mais la tentation est forte, dites si c'est chaud. Allez, bois donc un coup, ça sera plus rigolo. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Ça y est, je ne sais plus très bien ce que je dis. Mais pour une fois, je peux bien me lâcher, tant pis. Je continue de boire pour oublier mes soucis. Je viens de me faire la gay soir, je bois avec mes amis. Alors on est là, on est ici sa petite soeur, et bon. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Soudain je me réveille, mais où je ne sais pas. Je connais les poussières, mais oui je suis chez toi. Qu'ai-je donc fait pour en arriver là? Qu'ai-je donc fait? Je ne me souviens pas. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Je me noie dans tout cet alcool qui fait que je m'envole. Mais là, manque de bol, mauvaise destination de vol. Merci à toi qui m'a ramené. Toi je ne t'oublierai jamais. La gueule de bois, j'ai la nausée. Plus jamais je recommencerai. Si c'est pas au jury. C'était quoi d'ailleurs? Ok. Ah, mais c'est sa petite sœur, Raymond. C'est mon pote. Thank you.